Joseph Sabiyabandi. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal et parler en langue française, dont voici les principaux titres. Le gouvernement du Burundi, par le biais d'une délégation conduite par le ministre des Finances, vient de signer plusieurs contrats de coopération et de développement avec des entreprises chinoises. Vous aurez les détails dans ce journal. 20 personnes originaires de la province de Mwaro ont été arrêtées hier par les militaires à Burambi. Ils sont présumés auteurs de l'insécurité dans cette commune. Et le Burundi a affiché un progrès dans la lutte contre le VIH-Sida depuis 2009. C'est ce qui ressort du rapport de l'ONU-Sida publié ce vendredi. Le parti Sawanya Fodebu Nyakuri critique la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies d'envoyer 228 policiers au Burundi. Le président de ce parti demande que cet envoi soit subordonné à un accord entre l'ONU et le gouvernement du Burundi. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le gouvernement du Burundi, par le biais d'une délégation conduite par le ministre des Finances, vient de signer plusieurs contrats de coopération et de développement avec des entreprises chinoises. Dans un communiqué sorti ce samedi, le ministre des Finances annonce qu'il a signé un accord de coopération économique et technique entre le gouvernement du Burundi et le gouvernement de la République populaire de Chine. Cet accord concerne entre autres la construction des infrastructures en milieu rural. Dans le même communiqué, on annonce c'est que des contrats entre le gouvernement du Burundi et les entreprises chinoises Huawei et TBA dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication et de l'énergie électrique ont été également signés. Des mémorandums d'entente avec les entreprises chinoises pour les projets de construction des autoroutes Kobero-Gatumba, Bujumbura-Gitega, des projets d'industrialisation du Burundi, la modernisation agricole et la construction d'une usine d'engrais organiques ont été également signés. Sur la page de sécurité, 20 personnes qui seraient toutes originaires de la province de Mwaro sont dans les mains de la police de Burambi en province de Lumonge depuis le matin de ce dimanche. Ces hommes ont été arrêtés par les militaires positionnés à Donzi. Nous sommes en commune de Burambi le soir de ce samedi alors qu'ils descendaient d'un bus de l'Otraco. Ils sont soupçonnés d'être des perturbateurs de la sécurité, comme l'indique le commissaire provincial de la police à Lumonge. Les précisions avec Jean-Pierre Misago. Toutes les 20 personnes sont des hommes originaires de Mwaro, selon le commissaire provincial de police à Lumonge. Lors de leur arrestation, ils étaient à bord d'un bus de l'Otraco qui relie Bujumbura à Gishiha en commune Burambi, un bus qui transportait aussi d'autres personnes. Ces personnes soupçonnées d'être des malfaiteurs ont passé la nuit de ce samedi à la position militaire de Donzi qui les a arrêtés avant d'être remis à la police de Burambi ce dimanche matin pour être interrogés. Selon OPC Indonésien Manirakiza, commissaire provincial de police à Lumonge, alors qu'une certaine opinion pense à un montage, le commissaire provincial de police à Lumonge estime fondée l'arrestation de ces personnes. C'est dans cette même commune de Burambi que deux fusils de type pistolet emballés dans un sachet ont été découverts dans une des vallées de la colline Gakongo en zone Rusabagi. L'après-midi de ce samedi, c'était lors d'une patrouille conjointe de la police et de la population, indique ce responsable policier à Lumonge. Jean-Pierre Misago depuis Lumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Sur la page politique, le parti Sawanya Fodebu, Iradi Gandadaye, qualifie d'inopportune la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies d'envoyer au Burundi 228 policiers. Dans une déclaration de ce dimanche, Kefani Bizi, président de ce parti, demande à l'ONU de ne pas tenter d'envoyer ses policiers sans l'aval du gouvernement burundais. On l'écoute. Nous pensons que cette mesure est inopportune, d'autant plus que les forces de défense de sécurité burundaises ont stabilisé la paix et la sécurité sur tout l'étendue du territoire national. Nous demandons pour toute faire utile à ce Conseil de sécurité des Nations Unies de ne pas envisager aucune action policière au Burundi sans un accord préalable du gouvernement du Burundi, d'autant plus que ce dernier a déjà manifesté sa position et qu'il n'y a aucune situation alarmante dans notre pays. Vous qualifiez la mesure du Conseil de sécurité des Nations Unies d'inopportune. Pourquoi ? Et c'est parce que la sécurité règne sur le territoire burundais. Un tel contingent devrait intervenir pour faire de l'interface entre les protagonistes armés, alors qu'au Burundi, il n'y en a pas. Je vous ai déjà dit que la Commission paix et sécurité de l'Union africaine a recommandé qu'une telle mission n'est pas nécessaire. En même temps, une mission d'experts de l'EAC avait lui aussi constaté que la paix est revenue surtout dans la ville de Bujumbura et que même les réunions de cette organisation pouvaient se tenir au Burundi. Mais ces derniers jours, on parle de certains enlèvements, mais aussi de certains assassinats. Je citerai celui du député de l'EARA, Hafsa Mossi. Est-ce que cela ne peut pas expliquer une telle décision du Conseil de sécurité de l'ONU? Le parti Sonia-Frode Munyakuri et la Giganda Daye condamne tous les actes qui violent les droits fondamentaux de l'homme, notamment le droit à la vie. Toutefois, nous espérons que la justice burundaise est indépendante et a toutes les capacités requises pour diriger des enquêtes et punir les coupables de tels cas de violation flagrante des droits de l'homme. Kefani Bizi, le président du parti Sonia-Frode Munyakuri Iragi Ganda Daye. Le Burundi a affiché un net progrès dans la lutte contre le VIH-Sida, surtout en ce qui concerne la transmission mère-enfant depuis 2009. Dans le rapport sorti ce vendredi, l'organisation ONU-Sida place le Burundi sur la liste des 7 pays de l'Afrique subsaharienne ayant réduit sensiblement les nouvelles infections du VIH-Sida chez les enfants. Ce rapport fait mention que le Burundi et l'Afrique du Sud ont réduit ses infections à plus de 84%. Ces deux pays viennent après l'Ouganda qui a réduit ses infections à plus de 86%. De ce fait, le Burundi et 6 autres pays, dont l'Ouganda, l'Afrique du Sud, Swaziland, Namibie, Mozambique et Malawi, viennent d'être retirés de la liste des 21 pays prioritaires de l'Afrique subsaharienne, initialement reconnus comme les plus touchés par l'épidémie. Toujours sur la page santé, les bars et restaurants qui opéraient sans latrine dans toutes les communes de la province de Bubanza sont fermés. La décision a été prise par le gouverneur provincial Tarcisse Niyongabo. Explique que c'est pour l'intérêt de la population. Il précise par ailleurs que les détenteurs de ces bars et restaurants ne tarderont pas à rouvrir s'ils se corrigent en construisant ces latrines. Il a été joint au téléphone par Léonce Vitalio. Nous nous sommes engagés à la construction des latrines dans les ménages, mais aussi là où les gens se rencontrent massivement, spécialement dans les bistrots et dans les restaurants. C'est dans ce sens alors que nous avons fermé les cabarets et les bistrots qui n'avaient pas de lieu d'aisance pour question de propriété, d'hygiène et pour éviter qu'il y ait aussi des maladies, de messages comme on les appelle, mais aussi pour avoir une bonne santé de la population. N'y a-t-il pas de cas d'injustice pour certains responsables des bistrots ou de restaurants? Pas d'injustice, pourquoi? Parce que c'était un travail de routine près du bureau provincial de la santé, un travail que ce bureau faisait et chaque mois. Du côté de l'administration, nous sommes allés fermer ces bistrots en commun accord avec la police. Mais l'inspection des cabarets et des restaurants qui n'ont pas de lieu d'aisance, ce travail n'a pas été exercé par nous. C'est à partir de l'ampleur des rapports reçus que nous sommes décidés à prendre cette décision. Et quel serait alors l'appel que vous lancez à ces propriétaires de bistrots ou de restaurants? C'est de corriger les erreurs, les fautes que nous avons remarquées. Il faut alors qu'il y ait la construction rapide de ces latrines. Et aussitôt qu'ils terminent cette construction, qu'ils viennent nous voir pour que nous puissions, à notre tour, aller réouvrir les restaurants et les cabarets. Nous demandons aussi à la population de changer d'adresse en attendant que ces premiers puissent se corriger convenablement. Mais aussi nous demandons à la population tout entière de la province de s'atteler à cette activité de construction des latrines dans les ménages pour plus de propriétés et pour une bonne santé. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Sur la page éducation, plus de 1400 lauréats des écoles secondaires de la province Mwaro s'apprêtent à passer l'examen d'État qui commence ce lundi. Certains élèves disent qu'ils se sont suffisamment préparés. Le directeur provincial de l'enseignement à Mwaro dit qu'il s'observe un problème de déplacement pour les élèves des lycées communaux vers les centres de passation car ces écoles n'ont pas les moyens d'assurer ce déplacement. Les détails avec Laurent Ndikourio. Dans la province scolaire de Moaro, 1449 élèves finalistes des humanités vont passer cet examen d'État prévu du 1er au 4 août 2016. Un seul centre de passation dans cette province se trouve au lycée de Moaro, qui accueillera 1231 élèves, selon le directeur provincial de l'enseignement à Moaro, Saratie Nakamurenga. Cette école va présenter à elle seule 188 candidats. Le directeur provincial de l'enseignement à Moaro dit que les élèves des écoles secondaires comme le lycée communal Gisozi, Kiwimba 1, Nyakararo, Mumbu, Rusaka et Yanza passeront cet examen au lycée d'Igenda. Lena Kiwimba et l'EF Musama passeront le dit examen à Gitega. Dans la matinée de ce dimanche, la plupart des élèves des autres écoles commençaient à arriver, les uns à pied, d'autres à vélo, tandis que d'autres arrivaient à bord des véhicules des écoles. Certains élèves trouvés dans les enceintes du lycée Moaro étaient en train de faire la dernière révision. Ils disent qu'ils se sont préparés à cette épreuve car ils viennent de passer une semaine à l'école. Le directeur provincial de l'enseignement à Moaro signale que dans les lycées communaux, il s'observe un problème de déplacement de ces candidats car ces écoles n'ont pas assez de moyens. Il souligne que les parents sont obligés de donner leur contribution. Quant à l'hébergement, il précise que les écoles à internat comme le lycée Mouyebe, l'Itab Kirika et le Nefa Kibumbu doivent amener leur propre matelas. Signalons que certains de ces élèves disent qu'ils ont une inquiétude quant à la valeur du certificat qu'ils auront après cet examen, du moment que leurs aînés ont reçu des diplômes pouvant leur permettre de demander un boulot, par exemple dans le secteur privé. De Moaro, Laurent Dikourio, Radio Sanganiro. Merci à Laurent Dikourio, toujours sur la page éducation. L'école ne devrait pas refuser d'inscrire des enfants avant que les parents aient payé les frais d'inscription exigés du moment que le gouvernement a permis la gratuité scolaire. La réaction est celle de David Ninganza de l'association Sojepaye Burundi qui milite pour les droits des enfants mais qui est en même temps président du comité des parents dans un lycée de la capitale. Ce défenseur des droits des enfants intervient après la plainte de certains parents de la zone Kanyosha qui doivent payer 10 000 francs burundais d'inscription pour les enfants de la première année primaire. Quatre prêtres ont été ordonnés ce samedi à Muyinga. L'évêque du diocèse catholique de Muyinga qui les a ordonnés rappelle aux fidèles que c'est l'année jubilaire, une année du pardon et les invite à promouvoir la vérité, l'équité et la liberté. Et voilà, c'est ici qu'est prend fait ce journal. Merci de l'avoir suivi.